c'était lundi, donc j'ai nagé sur le temps du midi. On était une cinquantaine de personnels et d'étudiants, donc rien que sur le site du Madrier, parce qu'on a aussi sur cette équipe et aussi sur mon sentiment. Donc on a décidé d'un certain nombre de choses. Je pense qu'il y avait un mandaté, je ne sais pas s'il va prendre la parole, mais parmi les choses qui ont été décidées, c'est notamment de rentrer en contact donc, avec les autres composantes. Et puis de lancer aussi des cours alternatifs comme ce qui se fait donc ici. Donc ça a été discuté en conseil de gestion donc, le lundi après-midi, donc suite à l'AG. Donc, c'était un petit peu chaud au niveau d'ambiance aussi, parce qu'il y a un certain nombre de collègues qui ont de très bonnes idées, puis après dès qu'on veut faire une action sont un petit peu réfractaires. Donc mais on a quand même réussi à mener le truc au bout, c'est-à-dire qu'on va avoir pour un temps qui va être donc à la disposition des enseignants et des étudiants donc lundi prochain de 10h à midi alors sur le site du Madrier. Sur Mont-Saint-Aignan, c'était un petit peu plus compliqué, mais les étudiants pourront, ça ne sera pas banalisé, mais les étudiants pourront se déplacer donc de 10h à 12h donc ce vendredi. Donc il y a des choses qui se font, je peux aussi citer, mais je pense que j'ai vu qu'il y avait un collègue qui va intervenir, j'ai assisté à une très bonne, une excellente réunion, et mon souhait, ça serait qu'elle puisse être refaite dans les autres composantes, donc sur le site Pasteur, donc économie, gestion et droit, où vraiment mes collègues sont rentrés dans les détails des deux réformes, hein, que ce soit la réforme des retraites à la LPPR, ils ont décortiqué le truc et on a vu l'absurdité et surtout le chemin, parce que ça c'est, déjà on en a pris plein la tronche, mais on voit que c'est une étape, puis encore, le pire est encore à venir, hein, notamment l'histoire de capitalisation, là la capitalisation, bien que le gouvernement nous dit non, c'est pas, mais c'est, en fait, si j'ai bien compris, c'est une étape forcément intermédiaire, mais indispensable pour aller plus loin. Donc il y a plein de choses qui sont ailleurs, donc ça serait bien que ça puisse remonter. Au niveau des syndicats, donc moi je suis à la CGT, mais on a avec la FSU, donc on a envoyé un tract sur la précarité donc, aux collègues. Donc précarité à la fois donc, au niveau des carrières, au niveau du traitement salarial, au niveau bien sûr des retraites. La retraite, c'est le prolongement logique des carrières et de tout ce qui suit, les conditions de travail, les conditions d'études. Parmi les actions. Vous avez évoqué l'action de jeudi. Alors, l'action de jeudi, c'est pas si secret que ça. Hein, ça a été publié. Je pense que maintenant, tout le monde sait où on va aller jeudi soir. Un jeudi soir, l'une des étapes, ça va être d'aller devant le local d'un député LRN. Et c'est le fameux député LRN de Rouen qui, quand il a été élu, a dit quand même que les chômeurs profitaient de leurs allocations pour aller aux Bahamas. Donc, vous voyez ces gens-là, de quoi ils se permettent. Donc, on va les voir et on va lui faire sa fête, quoi. Parmi les autres actions, donc on a parlé du CA. On a parlé du CA dans d'autres endroits. Donc, le CA s'est prononcé. Nous, notre CA, alors il n'y a pas pu se réunir parce que voilà, il y a quelques élus qui étaient absents de ce CA, mais on a un CA vendredi à 17h. Donc, on peut, pour ce CA, se rassembler et demander au président de se prononcer à la fois sur les retraites qui suivent logique de la carrière et aussi sur la LPPR. Je voudrais juste terminer sur une chose. Il faut se rappeler aussi de ce qui s'est passé avant. Donc Macron, il a, avant d'être élu, il avait une équipe avec lui et donc son équipe, ils ont discuté de plein de choses et puis il y a eu des notes qui sont sorties. Donc un certain nombre de notes. C'est ce qu'on appelle les Macron Leaks. Donc, j'en ai plein, je peux vous l'envoyer. Je voudrais juste concernant les étudiants, une note un peu symptomatique de la politique actuelle, de ce qui peut arriver. Donc, alors, je cite, hein, évidemment, c'est pas de moi. Un complément indispensable des réformes proposées est la liberté pour tous les établissements d'enseignement supérieur de sélectionner leurs étudiants, donc par consup. Les établissements pourront redéployer les ressources consommées dans la gestion de la sélection par l'échec, car le redoublement coûte cher. Donc j'ai ciblé celle-là, il y en a plein de notes de ce comme ça, donc voilà.